La doublette suivante nous fait rentrer dans l'aspect française avec tout d'abord Pénitence Onirique, une des toutes meilleures sorties black metal françaises de cette année 2023. L'album s'intitule Nature Morte, c'est une sortie sur le label Les Acteurs de l'Ombre. Le groupe nous vient de Chartres, actif depuis une dizaine d'années. C'est le troisième effort studio longue durée qui vient de sortir. 7 titres pour 45 minutes. Un black typiquement français, des textes en français, avec un excellent équilibrage entre les parties plutôt frontales et les parties plutôt atmosphériques. C'est très inspiré, très bien exécuté, Pénitence Onirique, carton plein, et puis sur scène, on se fait emmener. En doublette, première nouveauté dans l'aspect française, active depuis une quinzaine d'années, ils nous viennent des environs de Valenciennes, ils viennent de sortir leur troisième effort studio, il s'agit des nordistes de Embrace Your Punishment. Le groupe de Brutal Death, Slam Death, Death Hardcore, ça mixe un peu tout ça, les gars sont excellent musicalement, ils sont excellents humainement, voilà, une formation française à suivre de très très près quand on aime la violence. Au passage, sur ce troisième album, le groupe est passé de Miasma Records à Lacerated Enemy, un petit up pas négligeable. On retrouve des petits guests, ma foi, qui valent l'attention, Jason Nesserson, bien sûr, de Misery Index, Kirk Weinstein, au hasard, de Crowbar, et Julien Truchant, le juju national de Benighted. Voilà, un nouvel album bien rempli, 12 titres pour 35 minutes. C'est puissant, le son est massif, ça rend vraiment hommage aux compos. À suivre de près, et j'espère avoir l'occasion rapidement de les avoir en Touraine. Pénitence Onirique, tout d'abord le morceau Désir, Embrace Your Punishment, ensuite le titre Unconquered, avec justement featuring Jason Nesserson de Misery Index. C'est le premier extrait de l'album qu'ils avaient mis en ligne, avec un petit clip qui va bien. Et tout ça, c'est déjà dispo. We'll be right back. Toujours dans l'aspect française, Aldaron et Azilian, des groupes qu'on s'est déjà écoutés par les semaines précédentes. Aldaron, tout d'abord, du black qui nous vient des environs de Grenoble, un black traditionnel, presque médiéval, hein, dans la veine d'un Belenos, Auriac ou encore Darkenhold. La boîte à rythme, malheureusement, entache la perfection de l'album, hein. Il manque un petit côté naturel et organique dans les parties rythmiques. Mais bon, globalement, du black atmosphérico, épico, mélancolique, avec des textes en français. C'est très bien inspiré. On retrouve également des passages en anglais. C'est, voilà, très très très efficace, Aldaron, à découvrir ou redécouvrir avec ce nouvel effort studio. Azilian, ensuite, on est sur du death qui nous vient de la région vosgienne, active depuis une petite dizaine d'années. Ils viennent de sortir leur premier véritable album, une sortie France Black Death Grind. Voilà, un petit label zine qui monte de plus en plus. Un EP avait vu le jour dans les débuts du groupe, et puis après, un peu disparu des sphères studio. Du death très français, avec des textes à la fois en français et en anglais. Ça cogne comme il faut, c'est classique donc, mais bien exécuté. C'est parti, musicalement, on va s'écouter tout de suite le titre Impassible Cénotaphe de Aldaron, extrait de l'album Majestic 8, Melancholic Death. Azilian, le morceau isolé, extrait de l'album Excarcération. Et tout ça, bien évidemment, c'est déjà disponible. Thank you. La doublette suivante nous fait quitter l'aspect française avec une dernière formation hexagonale, il s'agit de Descott Society. La formation Black Sympho qui nous vient de Annecy, active depuis une quinzaine d'années, qui vient de sortir son deuxième album. 8 ans se sont donc écoulés depuis le premier album studio. Un live a vu le jour dans l'intervalle. Une sortie qui sort chez Osmose Productions, comme le premier album, des titres plutôt généreux, 6 à 10 minutes, un black symphonique et épique, grandiose, grandiloquent, mélancolique, c'est riche, c'est travaillé, trois gratteux, c'est hyper inspiré, et dans le global, voilà, ça sonne un peu comme le digne héritier d'un anorexia nervosa. En doublette avec la formation française Descott Society, Condemned, le brutal death californien actif depuis une vingtaine d'années, ils sortent là leur quatrième album chez Unique Leader. Un gros remaniement au niveau du line-up, parce qu'on n'a plus que le guitariste d'origine, le fondateur. Un des gratteux de Pathologie a rejoint le line-up sur la deuxième gratte, et un excellent vocaliste derrière le micro. 12 titres pour une quarantaine de minutes, ça tartine sec, c'est brutal, c'est groovy, c'est terriblement efficace. On n'en attendait pas de moins d'un nouvel effort studio de Condemned. Au niveau de la musique, on va s'écouter Descott Society, le morceau La Nuée, extrait d'album Enlightenment. Condemned, ensuite Mao of Elmoth, extrait d'album Daemonium. On est sur une grosse thématique occulte pour le Condemned. C'est parti. We'll be right back. On approche tout doucement de la fin de l'émission, avec une doublette asiatique, Lorang enchaînée à Coven Japan, diffusions qu'on a commencé les semaines passées. Lorang, tout d'abord, du black metal qui nous vient de Taïwan, actif depuis une demi-douzaine d'années. Le troisième album vient de sortir, on est sur un espèce de post-black à la fois atmo et frontal, avec des enrichissements orchestraux. Les textes sont en taïwanais, le rendu est vraiment original, de par ses implications. C'est hyper soigné dans les ambiances, et on avait diffusé le précédent album il y a environ 2 ans. Coven Japan, ensuite, on est sur du heavy japonais, actif depuis bientôt 10 ans. Ils viennent de sortir leur premier album, après 2 EP. C'est une femme qui tient le micro dans ce groupe de heavy très typé 80, qui va chercher aussi bien dans les ambiances anglaises des vieux Maiden que dans le heavy japonais de l'époque des 80s, avec Loudness et Anthem. Une alternance de textes en japonais, en anglais, ça donne un petit côté original à l'approche, et puis bah musicalement c'est terriblement efficace. Lahang, le morceau Xuyang, extrait de l'album Riluo. Coven Japan, Lost Humanity, extrait de l'album Earthling. C'est parti. Dernière doublette de diff original dans l'émission de ce soir, dernière doublette qui va nous permettre une jolie petite glissade d'ailleurs à la fin de l'émission. Et dernière nouveauté pour l'émission d'aujourd'hui, Délétère, formation du Grand Nord québécois. Sans surprise, quand on a ces deux termes qui se rapprochent, Black Metal, Québec, on sait qu'on est sur quelque chose de qualitatif, de très identifié musicalement. Le groupe est actif depuis maintenant 15 ans, c'est le troisième album qui vient de sortir. Voilà, au niveau du line-up, ai-je dit que c'était consanguin ? Non, bah voilà, c'est fait. On retrouve dedans des icônes de Monarque, Cantique Lépreux ou encore Chasse-Galerie, des textes en français, français-québécois, une recette musicale voilà, typique québécoise, c'est froid, c'est hargneux, ça a zéro tolérance. Trois gratteux depuis 2020 au sein de Délétère, ce qui donne encore plus de profondeur sur les lignes de gratte. Et en doublette avec Délétère, Tempers Fray, excellent groupe de hardcore londonien qui sonne très hardcore death américain, actif depuis une dizaine d'années. La formation vient de sortir son premier album. Avant ça, on a eu droit à quelques EP. 9 titres qui avoisinent les 30 minutes pour ce premier album de Tempers Fray. Musicalement, Délétère, on s'écoutera le morceau Foutre Dieu, extrait d'album Songe d'une nuit souillée, une sortie Sépulcral Prod, sans surprise. Tempers Fray ensuite, Ties to the Lies, extrait d'album Return to Earth. Et ce dernier groupe nous permet de faire une glissade vers l'illustration qu'on va s'écouter juste après pour parler du Winter Rip qui aura lieu le week-end prochain. Mais donc tout d'abord, Délétère, Tempers Fray, c'est parti. Déjà, 230, 233... Ah, 237, ça y est, c'est là. Viens jouer avec nous, Danny. Quoi ? Viens jouer avec nous. Non, mais attendez, je vous connais, vous. Ah non, non, non, je suis crevé. C'est bientôt Noël, j'ai plus une thune. Je vais rentrer me coucher, ouais. Allez, bonne nuit. Viens jouer avec nous, Danny. Non, j'ai dit non, c'est clair ? Viens jouer non, avec la nous. Non, la dernière fois, je le nez pété, la dent cassée, et j'ai fini avec une hache dans le dos. Viens jouer avec nous, Danny. Mais arrêtez de m'appeler Danny, je m'appelle Hervé en plus. Oh non, pas lui. Oh, voilà qui se ramène. Here's Johnny. Allez, c'est bon, d'accord. J'arrive. Vous êtes invité au Winter Rip numéro 4, un somptueux festival metal hardcore, le samedi 16 décembre, salle Maria Callas, à la Ville aux Dames, à partir de 15h. La réception vous propose Bounding Fear, Pin Glass, Vicious, Final Showdown, Manifest et trois autres groupes qui vous feront perdre la tête. 18€ en pré-vente et 20€ sur place. N'hésitez pas à récupérer vos tickets au Buck Mulligans, à Street Art Family et sur Internet. Et donc en clôture de l'émission de ce soir, comme vous avez déjà pu l'entendre, parce qu'on l'a mis en ligne vendredi, l'interview de Emile qui est venu nous présenter l'intégralité de l'affiche et la soirée du Winter Rip qui aura lieu le samedi prochain à la salle Maria Callas de la Ville aux Dames. Voilà, dernier coup de promo pour nous une semaine avant l'événement via de la musique avec tout simplement... un groupe que je suis plus que ravi de voir en Touraine, sachant que le groupe a annoncé sa séparation à l'issue de ses dernières apparitions live. Donc voilà, dernière venue en France de Vicious, X Vicious X, excellent groupe de Beatdown Straight Edge venu de Belgique. On va s'écouter un extrait de leur album 2014. Voilà, sorti chez Reality Records, le morceau Mother Justice avec Tim de Cold Artruth. Ça rigole zéro musicalement, c'est aussi débile que c'est agressif. Band in Fear avec Vicious pour clôturer l'émission de ce soir. Beyond the Mire avec son album Penance. C'est sorti en 2021 chez Unique Leader Records. Band in Fear, on est sur du deathcore down tempo, un peu à la sauce d'un Black Tongue. Ça tombe bien, c'est aussi des Anglais. Voilà, pour présenter les deux groupes qui seront présents sur l'affiche du Winter Rip la semaine prochaine. Et puis si vous voulez plus d'infos, go sur les réseaux ou écoutez-vous notre petite interview de Emile. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous pour Moshé samedi soir prochain. Et sinon, dimanche soir, on ramassera les morceaux dans le cadre de la dernière émission en direct pour cette année. Ciao, ciao.